Le meilleur de la scène blues se donne rendez-vous dans le Blues Café. Avec Cédric Vernet et Francis Ratto, l'émission concert en public au Millennium de l'île d'Abo. 100% blues. Bonsoir à tous et bienvenue dans le Blues Café en live et en public. Plus que jamais ce soir, le Blues Café sera festif, Francis, et nous allons voyager dans le sud des États-Unis avec le groupe qui est déjà en place sur la scène du Millennium. Tout à fait, monsieur Cédric, très content de te retrouver d'ailleurs. Maître Cédric. Maître Cédric, pardon, mais on peut même rajouter que cette musique est aussi un peu folding et pleine d'influences diverses, du rock'n'roll au jazz et du blues au funk. Oui, et ça sonne comme une fanfare, un brass band de Louisiane débarqué dans les marécages de l'île d'Abo. Et on est heureux de les recevoir, c'est leur première fois ici au Millennium et dans le Blues Café. Mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir sur la scène du Blues Café de Yelbos. Merci beaucoup, vous allez bien apparemment. C'est cool. On va vous jouer une deuxième chanson qui s'appelle Peanuts, qui veut dire ma cacahuète. Et ce n'est pas une chanson d'amour. 3, 4... Peanut, it's so very fine, my dear. Peanut, drink this wine, was a good idea. I feel the old thoughts tickling my old smile, reminding me of you and I. Vina, it's so very clear, sweetness of Vina. That's what I call happiness. I know it's hard, baby, but don't you dare say no to what I say. Time to see me, Miss Beavie. Even the stars are doing moves. Riding, come on, rock around the clock and jiggle, hula, hoo, dip-a-dip-a-dip-a-dip-a-dip. Oh, Vina, it's so very clear, sweetness. Oh, Vina, that's what I call happiness. I know it's hard, baby, but don't you dare say no to what I say. C'est leur première venue dans le Blues Café Live. Ils s'appellent The Yelbows. Ouais. On va leur demander de nous rejoindre. Alors, les Yelbows, c'est Thibaut Roussel au banjo et au chant. Mathieu Maigre au trombone et au chœur. Alexis Borelli au sous-bassophone et au cornet. Et Stéphane Notary à la batterie, washboard, chant, whisky et voiture. Et puis quoi encore? Ah, ça, les petites pépées, j'en sais rien. En tout cas, c'est des instruments qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre ici dans le Blues Café, donc c'est cool. Alors, bonsoir à vous. On va vous grouper un peu, parce qu'on a un micro pour quatre. Oui, on se le fera passer, ouais. Stéphane. Oui. On dit Stéphane ou Stéphane? Stéphane. Stéphane, ok. T'es un peu, en quelque sorte, t'es un peu le leader là-dedans, toi, dans cette histoire-là. En tout cas, t'es le meneur de jeu, non? Disons que je suis l'initiateur du projet. Alors, justement, comment ça a démarré, l'aventure? Écoute, j'avais quelques compos sous le coude depuis quelques temps. J'avais des compos qui n'étaient pas forcément dans ce style-là, toutes en tout cas. Des compos qui étaient vraiment influencés musique américaine. Mais ça allait aussi bien du boogie, rock'n'roll ou à des morceaux très Dixie comme ça. Et en fait, ces messieurs qui m'accompagnent aujourd'hui sont des spécialistes réellement de la musique de la Nouvelle-Orléans. Alors que moi, je n'étais pas du tout un spécialiste de cette musique-là. Et du coup, je voulais aller dans cette direction. Du coup, j'ai appelé Thibaut, qui est venu une après-midi à la maison. Alors, il faut dire qu'on est des amis de 20-25 ans. On a... Aïe, c'est les pires. Ouais. on se connaît depuis si longtemps, mais on n'avait jamais réellement travaillé tous les quatre ensemble. Donc, bon, c'était l'occasion. Et du coup, Thibaut est venu à la maison. Et puis, vite fait, on a trouvé des arrangements qui faisaient que tous les morceaux collaient les uns aux autres, en fait. Et voilà comment est née l'histoire des Yelbos. Très bien, bah, cette interview est terminée. Merci Stéphane. Les amis de 25 ans sont fâchés, ils vont partir. Stéphane, tu disais que tu n'étais pas forcément issu de cet univers-là. On t'a connu avec Mathis Haug, tu étais déjà venu ici, il me semble, ou en tout cas on s'était vu avec lui. Tu es plutôt issu de la scène jazz-rock. Tu peux nous parler aussi un peu de ton parcours avant les Yelbos, parce que tu as eu une vie avant les Yelbos. Je viens d'abord du rock, en fait, même du punk, et ensuite de la pop musique, et puis je suis passé un peu partout. C'est un barbare, puis j'ai découvert le... Vous le saviez, vous, non? J'ai découvert la musique américaine avec Mathis, d'ailleurs, qui m'a fait écouter pas mal de choses, aussi bien jazz que blues, que plein d'autres choses. On a eu la chance de collaborer avec Jean-Jacques Milteau à l'époque. On a collaboré avec plein de gens qui nous ont, enfin moi, en tout cas, qui m'ont apporté plein de choses. Et donc je suis venu après naturellement, disons qu'on va dire que j'ai mûri, je ne sais pas, mais je suis venu naturellement vers ce style-là en tout cas. Bon, on parlera tout à l'heure avec tes alcooliques, mais bon, tu parles du jazz, funk, brass band, mais et le blues dans tout ça, alors est-ce qu'il est compatible ? Bien sûr qu'il est compatible, le blues, tu l'as entendu quand même. Ah, c'était du blues. Et oui, mais le blues, ça a influencé tellement de musique par la suite, donc forcément, il y a des influences. Dans notre musique, on retrouve des influences blues, des influences jazz, des influences rock'n'roll aussi. Il y a de la folk quelquefois, il y a même de la begin, parce qu'on parle aussi de begin à Nouvelle-Orléans, il y a de funk, tout ça, tout passe par le blues en fait. Alors justement, au niveau des... Bon, tu composes, si j'ai bien compris, essentiellement, mais pas que. Sur le premier album, j'ai composé la quasi-totalité des chansons. Et on en parlera de l'album hein, plus ouais. tard. Hein. Et sur le deuxième qui est à venir, qu'on espère enregistrer courant 2020, là c'est plus une histoire de groupe, on compose tous les quatre. Parce que là, combiner l'énergie finalement un peu de rock avec le côté fanfare des brass bands, ça nécessite des arrangements un peu spécifiques. Oui, mais disons, chacun connaît son instrument, donc après moi je leur fais absolument confiance. Un instrument, on va en parler aussi, un certain instrument. L'album, tu en parlais d'ailleurs, il s'appelle Early in the Morning, comme le titre que vous avez fait en ouverture de cette soirée. Donc beaucoup de compos, effectivement. Alors, c'est ce qui est étonnant, c'est que quand on écoute votre musique, c'est pas forcément frappant que c'est des compos. On dirait presque que c'est des morceaux qui sont des standards issus du répertoire de la Nouvelle-Orléans, et on découvre qu'il y a des compos. Alors, il n'y a pas que, on en parlera, il y a quelques petites reprises. Elles parlent de quoi, ces chansons ? Elles parlent de la vie. Elle parle de la vie, ouais, en général. Bon, il y a beaucoup d'autobiographies là-dedans. Mais j'en fais des fictions et j'aime beaucoup y mettre de l'humour dedans. Voilà. Ouais. Donc, je vous laisse découvrir les textes. La musique se prête à ça aussi, du coup. C'est une musique festive. C'était vraiment le but de ce groupe. Je voulais faire une musique festive et populaire, en fait. Voilà. J'avais envie que les gens aient le sourire quand ils nous voient jouer. Ah, c'est réussi. Hein. Ah bah c'est super. Nous, déjà, on a le sourire. Alors, on parlait justement des instruments. Il y en a un quand même qui prend beaucoup de place. Presque autant de place que celui qui en joue. C'est Alexis. Alexis... Justement, on en parlait un petit peu hors antenne, c'est un sous-bassophone, mais ou un sous-saxophone, ou sous-saxophone. Il y a plusieurs terminologies de cet instrument. Alors, c'est quoi la différence ? Tu vas dire aucune ? En fait, il n'y en a pas. Le sous-saxophone, c'est la version anglo-saxonne. C'est le mot en anglo-saxon et en anglais. Et sous-bassophone, c'est la traduction en français. Et pour jouer de cet instrument, il faut faire 1m90, donc c'est ça ? De préférence pas, parce que, vous voyez, par exemple, ce soir, en hauteur, je suis presque limité. Ouais, c'est ça. Il vaut mieux être petit, mais... Je vais me mettre au sous-bassophone, Francis. Alors, oui, moi, je reviens un peu sur cette... parce que tu disais sous-saxophone, c'est ça. Mais alors, je crois que c'était celui qui l'avait inventé, non ? Sous-sax, c'est pas ça ? Ou en tout cas, qui l'avait fait connaître ? En fait, le compositeur de musique américaine, John Philip Sousa, qui composait des marches militaires. Tu vas doucement, parce qu'après, il y a un terreau écrit hein, pour le public. Hein. Donc, ce compositeur, John Philip Sousa, avait demandé à un fabricant de cuivre qui s'appelait la marque Cone, aux États-Unis, de lui fabriquer un tuba de parade pour pouvoir, dans les défilés, avoir une projection du son qui soit satisfaisante. Et, voilà. Et donc, c'est d'où, du coup, le fabricant a donné le nom de ce compositeur, Sousa Phone. Voilà. Une sorte d'hommage, mais en fait, c'est le même instrument. Ouais, moi, je croyais exactement. Que c'était fabriqué par Steve Jobs et que c'était un sous-iPhone. Mais je me suis un peu trompé. C'est beaucoup mieux qu'un iPhone. Mathieu, pardon. Oui, hein, Mathieu. Mathieu, tu es tromboniste. C'est cela. Personne n'est parfait. Non. Il paraît que tu as eu l'honneur de jouer à la Nouvelle-Orléans. Et c'est une question qu'on va un peu tous vous poser, d'ailleurs. Est-ce que vous êtes allé jouer là-bas? Est-ce que vous êtes allé puiser aussi de l'inspiration à la Nouvelle-Orléans? Pour être plus précis, en fait, j'ai eu la chance d'aller faire un stage là-bas, en fait, avec... Un stage de quoi? De musique New Orleans, ah oui, d'accord. Tout simplement. Donc on a eu l'opportunité de côtoyer, puisqu'on n'avait pas besoin de les chercher, ils venaient à nous, des gens comme Kirk Joseph ou tous les acteurs, en fait, de la du Dirty Dozen Brass Band, un des fondateurs, et d'autres participants, notamment du Hotate Brass Band et autres brass band voilà, actuels. Et bon, comme on avait eu comme ça on avait un capital sympathie pour ces gens-là, on avait été invités à faire leur première partie ou leurs intermèdes de session, et ça avait été une expérience assez inoubliable, quoi, parce qu'on vivait vraiment... vraiment dans le dur, quoi, avec les danseurs, avec ce que ça exprime, ce que ça donne, voilà, par rapport à la danse, par rapport à vos traditions. Mais c'était génial, quoi. Puis il y a une émulation, en fait, où vous êtes dans la musique de 9h du matin jusqu'à 3 ou 4h du mat, quoi. Voilà, il y a des gens qui jouent dans la rue, dans les clubs, partout, les second line le dimanche, qui sont des processions comme ça de social dancers, voilà, accompagnés par un brass band pendant au moins 3 ou 4 heures. Et là, c'est la liesse populaire, quoi. Donc ça prend tout un sens, quoi. Aussi bien pour la vie que pour d'ailleurs les événements un peu plus douloureux, quoi. Voilà. Oui, exactement. On se souvient des images, notamment de l'enterrement de Dr. John, il n'y a pas très longtemps. À la Nouvelle-Orléans, il y a même un mec qui a réussi à devenir une star mondiale en jouant du trombone. C'est assez peu courant, trombone shorty. Ouais. Ouais, carrément. Ouais. Ouais. Bah après, c'est quand même une longue lignée de... C'est une grande famille musicale, quoi. Troy Andrews, quoi. Ouais. Et tu l'as rencontré là-bas, non? Tu as pas moi, eu je cette l'ai chance. Vu en concert. Ouais. Alors c'est vraiment l'enfant du pays. Donc ouais. Il n'était pas. Oui. C'était pour le French Quarter Festival. Et ça a été un peu l'invité surprise. Il était normalement en tournée. Finalement, il a pu dégager une journée. Et ça a été, mais la liesse générale, quoi. C'était fabuleux, quoi. Alors sur la Nouvelle-Orléans et notamment au festival, on connaît aussi les Black Indians. Oui, tout à fait. Qui font justement toutes les parades. Est-ce qu'il y a un rapport justement entre tous les brass bands et ce que font les Black Indians, les Indiens noirs, hein. Comme ce que disait en fait Stéphane, c'est-à-dire que toutes cette musique-là, la musique de Second Line ou de brass band, est inspirée à la racine du blues et des Indians, en fait. C'est vraiment le mélange des deux qui a façonné en fait ce qu'on appelle le funk actuel, quoi. Et après, les Indiens ont des traditions et des coutumes un peu différentes, c'est-à-dire qu'ils paradent à leur propre façon, on va dire, avec juste des tambours. Et puis, en fait, c'est une bataille d'incantation, quoi. Il faut préciser que les Black Indians, c'est un mélange des nègres marrons, enfin, des esclaves noirs qui fuyaient et qui rejoignaient les tribus indiennes. Exactement. Et d'ailleurs, tous les Indiens sont black maintenant. Mmh. Et voilà. Enfin. Donc il y a beaucoup de, au niveau de la percussion surtout, des tambours, il y a beaucoup de racines qui viennent des Black Indians dans la musique funk et dans la musique de brass band. Mais par ailleurs, ils ont aussi leurs coutumes propres où pendant les défilés ou le carnaval, ce sont des joutes verbales, parce qu'avant il faut bien se dire qu'ils se mettaient quand même sur la gueule entre tribus, et puis après c'est passé à l'as et c'est devenu des joutes verbales où on élit, enfin le grand chef est élu pour l'année, parce que justement il a réussi à prendre le dessus verbalement sur ses chansons par rapport à l'autre, et tout ça accompagné par des tambours et la percussion. Alors ces cours sont offerts par l'université. Ah, vous me posez la question, je vous réponds, monsieur. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise bien. La musique de la Nouvelle-Orléans, c'est une éponge, en fait. Donc c'est une musique qui est extrêmement métissée, même aujourd'hui, qui arrive à évoluer vers des sonorités plus funk, voire même quelquefois hip-hop. Est-ce que c'est, enfin rap, musique urbaine, est-ce que c'est pour vous aussi une orientation possible? Je vois Stéphane qui hoche de la tête, mais c'est pas très radiophonique. Ouais, tout à fait. Je pense que ça fera partie du deuxième album. Il y a quelques morceaux qui sont très influencés hip-hop. Alors, je sais pas s'ils finiront sur l'album, parce qu'on a pas mal de titres en cours de travail. Mais en tout cas, ouais, j'ai très envie d'aller vers là aussi. Pas de faire que ça, mais d'aller dans cette direction. Il y en a un dont on n'a pas entendu le souffle, c'est Thibaut. C'est-à-dire qu'il parle tellement souvent dans le camion que... C'est bien qu'il se teste. Quand... Non, mais on voulait juste entendre le timbre de sa voix, c'est Thibaut. Bonsoir. Thibaut, donc... Bon, ben voilà, ça y est, on est envoûté, c'est fini. Bonne soirée. Thibaut, banjo. Au banjo, toi aussi, t'as été à la Nouvelle-Orléans, toi aussi, t'as été effrayé. Non, malheureusement, pas encore. Pas encore. Ton parcours, en fait. C'est compliqué. Ah bon, c'est compliqué. Piètre guitariste, un jour on m'a mis un banjo dans les mains, puis ça a marché tout seul. En gros, c'est ça, quoi. Ouais, ouais. Moins de cordes. Bon, ouais, voilà, plus petit manche, moins compliqué. Non, ça m'a plu, en fait, ça m'a plu. C'est étonnant, mais ça m'a plu. T'as perdu un pari, tu joues du banjo. Non, ça, j'aime bien ça. Alors, banjo, c'était plutôt folk, c'était... Non, de suite, Nouvelle-Orléans. Enfin, parce que pour la petite histoire qui va durer une demi-heure, des banjos, il y en a... Bien plus que ce qu'il y a de guitare. On fera pas ça en une demi-heure. Ce soir, on va essayer de rester sur le sous-bassophone, déjà. Il faut qu'on digère ce qu'on a entendu. Ouais. Non, mais t'as le banjo qui est dédié bluegrass et 5 cordes, qui se joue aux Anglais. Et t'as le banjo ténor et plectrum, qui est plus dédié jazz Nouvelle-Orléans et musique rythmique. C'est ce que je joue. Voilà. Alors, on a eu envie... Dans le Blues Café, généralement, on passe un ou deux titres d'albums qui nous ont plu et qui sont sortis. On a choisi un groupe que vous connaissez peut-être, les Flying Saucers. Gumbo spécial, il faut le dire. C'est un groupe de Bordeaux dont la musique flirte abondamment, on va dire, avec la Nouvelle-Orléans. Peut-être un autre aspect de la Nouvelle-Orléans. Vous les connaissez ? Non. Non, vous ne les connaissez pas. Alors, difficile de vous faire réagir sur ce groupe. Mais alors, qu'est-ce que vous en pensez, du coup ? C'est compliqué. C'est formidable. Bon, ben voilà, vous allez les écouter. C'est leur tout nouvel album, Flying Saucers Gumbo Special. Ça s'appelle Nothing But. Et c'est ça sent bon, la Louisiane, la Nouvelle-Orléans. C'est un mélange de Cajun, de rhythm and blues, de soul du Sud. Et juste après, on vous retrouve sur la scène du Blues Café. On écoute High Blood Pressure, extrait de ce excellent nouvel album des Flying Saucers Gumbo Special. ça. Vous êtes bien dans le Blues Café Live. Ne changez rien, nous sommes en direct du Millennium. C'est à l'île d'Abo et sur la scène, pour vous, il y a The Yelbos. Since they heard him say, you better get a good old and should be no use. So I try my best to say, sweethearts are without a place. And I finally find the latest, sweetest juice. Oh, oh my darling, oh my darling, oh my darling, oh my darling. She was a woman made for me. Oh, oh my darling, oh my darling, oh my darling. She really made me feel I had to go, yeah. So I lived a happy life until my baby was my wife. I felt I lost everything I know. She began to feel the heat that I felt when I was in need of the lady she was once when on a row. Oh my darling, oh my darling, oh my darling, oh my darling. She was a woman made for me. Oh, oh, my darling, oh, my darling, oh, my darling, yeah. She really made me feel I have to go. Yeah, come on, boys, come on, grab a spin. They heard me say, I better get along and be happier in my shoes. Some of my friends seen my show, they say that I'm the best before. So tell last night, should be no booze. Woo, woo, oh, oh, oh, my darling, oh, my darling, oh, my darling, oh, my darling. She was a woman made for me. Oh, oh, my darling, oh, my darling, my darling, yeah. She really made me feel to go. Oh my darling, she really made me feel I had to go. C'est à vous. Oh my darling, oh my darling, she was a woman made for me. Oh my darling, oh my darling, yeah. Really made me feel I had to go. One more time. Oh my darling, oh my darling, she would woman made for me. Oh, oh my darling, oh my darling, yeah. She really just like you, you know. We love you as you're smiling. We love you. Come on. Let me see your teeth. Smile, smile. Everybody smile. Come on. I love that. Ha! Like monkey. Come on. Disney boy. All I need is a monkey witness who won't show me the goodbyes that won't mesh. Oh, all I need is people smiling, oh, always smiling, oh, always smiling. That's all I need. Stomp your feet, and I move my knees. Oh, come on, you move your knees, and I shake my butt. Oh, come on, you shake your body, and I swim my brain. Come on, and swim your brain. When you drive me around the good days, with a mirror like a fool, wanna see if that's you and the trombone. Come on. All I need is a monkey bit to tease my ankles and freak my knees. Oh, all I need is people smiling just like you. Always smiling, always smiling. And I stomp my feet. Come on, you stomp your feet. And I move my knees. Come on, you move your knees. And I put my tongue. Come on, you put your tongue. Yeah. And I swing my brain. Come on, you swing your brain. And I shake my butt. Oh, come on, you shake your butt. Yeah. And I raise my elbows. Come on, you raise your elbows. And I put my hands up. Yeah. Come on, you put your hands up, everybody. Come on, you put your hands up. Come on, you put your hands up. When they drive me around the country, I feel I'm always like a fool. Merci. Les Yelbows. On a l'impression d'être ce soir au Blues Café à la Nouvelle-Orléans. D'ailleurs, il fait très chaud aussi, moite. Oui, c'est à peu près ça. Il manque plus que les alligators. Revenez nous voir, chers amis. On va rappeler nos amis de Yelbows. Stéphane, t'as chaud? Oui, un petit peu. Qu'on apporte à boire à cet homme, s'il vous plaît. C'est le climat de la Nouvelle-Orléans. Alors, on va parler un peu de l'album. Cet album que nous avons sous les mains, qui s'appelle Early in the Morning. C'est ça, ça s'appelle Early in the Morning. C'est le premier ? C'est le tout premier des Yelbows, oui. Et alors, sur cet album, on ne va pas décortiquer tout, mais il y a un truc quand même qui m'a un peu surpris, parce que sur cet album, Early in the Morning, dont c'est le titre, il y a une chanson des Beatles. Oui. Honey Pie. Oui. Pourquoi cette reprise ? Ben, parce qu'on voulait leur donner une petite chance. Ouais. Je suis pas sûr que ça marche. Hein. Non, c'est un groupe qui monte en ce moment. Vous en avez entendu parler ? Ouais. Écoute, je suis un grand fan des Beatles. Et voilà, et cette chanson s'y prêtait. Je trouvais que ça collait avec le style New Orleans. Donc voilà, je me suis fait un petit plaisir. Alors, il y a deux reprises. Il y a une reprise un peu plus traditionnelle, Aiko Aiko, également, qui a plusieurs titres selon qui la chante. C'est une volonté aussi d'arriver à prendre un titre comme On a Pie des Beatles et de le jouer avec votre formule, d'essayer de le détrôner un petit peu de son objet d'origine. Il n'est pas tant détrôné, il est pas tant détourné. Ouais, détourné que ça. Il est sensiblement dans la même veine. Après, oui, on y met notre patte à nous, mais je pense que ça ressemble assez à l'original, avec quelques petits arrangements en plus. Voilà. Alors, Yelbows, c'est un groupe deux en un. Vous êtes à la fois en formule comme on le voit ce soir, et puis en formule déambulatoire, c'est ça ? C'est ça, oui. C'est un exercice qui doit être quand même différent. Totalement différent. On n'a pas la même manière de jouer, la même manière d'aborder le show quand les gens sont en bas de la scène. Même quand il y a des scènes qui sont pas très hautes, mais... Comment ça, les pas très hauts de notre scène? Non, mais c'est très bien comme ça. Mais quand les gens sont avec vous dans la rue et autour de vous, il y a une drôle d'énergie qui se passe. C'est complètement différent. Et ce sont les mêmes instruments. Ce sont les mêmes instruments. Simplement qu'il a plus de place pour le sous-bassophone. Voilà, exactement. Non, ce sont les mêmes instruments. Après, bon, il n'y a pas de batterie. Je fais uniquement à la wash. Mais c'est cet exercice d'aller... Parce que quand on joue dans la rue, bon, à part quand c'est des festivals de rue où les gens viennent pour voir les groupes, réellement, mais sinon, quand on joue, bien souvent, on joue dans la rue, les gens ne sont pas là pour... Ils sont pas venus pour nous écouter. C'est le moment où il faut arriver à attraper les badauds et à les faire coller à toi, quoi. Ouais. Les attraper et pas les lâcher et leur montrer que... Le show que tu fais, il est intéressant et tout ça. Tu dépenses une énergie. J'ai envie de dire, quand t'es sur scène, c'est presque gagné. Parce que les gens sont venus pour t'écouter. Mais alors, s'ils sont les mêmes instruments, hormis évidemment la batterie transformée en washboard, est-ce que c'est le même répertoire en déambulation? C'est le même répertoire. Bon, évidemment, tous les morceaux vraiment funk, où il y a la grosse énergie batterie, forcément, bon, on ne peut pas les faire. Voilà, et puis après, comme des fois il faut jouer un petit peu plus longtemps, on joue pas que des compos, on joue aussi des standards, des vrais standards à Nouvelle-Orléans, des morceaux d'Armstrong. On en a intégré quelques-uns au répertoire pour être un peu plus volubile dans le style, quoi. Voilà. Vous jouez du coup dans pas mal de lieux, pas mal de festivals. C'est dans quel type de festival? Plutôt festival de blues, plutôt festival de jazz? Est-ce que c'est pas un peu compliqué quand on a le style qui est le vôtre pour arriver à trouver une place dans des festivals qui sont en France souvent très compartimentés? Eh bien, bizarrement, pas tellement. On arrive à trouver notre place partout où on veut bien nous inviter. Effectivement, ça fonctionne très très bien dans les festivals de blues. Oui, je vous ai vu moi-même dans un festival de blues sur la Loire à Beaumont. Enfin, et ça fonctionne super avec pays rablaisien. C'est ça, avec le public du blues, ça fonctionne très bien. Avec le public des festivals de jazz, ça fonctionne très bien aussi. On s'est retrouvé même à faire des festivals de musique actuelle. Ça marchait également. Qu'est-ce qu'on n'a pas essayé? Festival de reggae. Festival de flamenco, on n'a pas fait. Ouais. Mais bon, là, pour le coup, là, je ne suis pas sûr. Alors, il paraît aussi que dans certains de vos shows, vous invitez des guests, on dit non, des... Oui, on a des guests avec, qui sont venus enregistrer sur l'album, mais bon, c'est pas des musiciens prestigieux. Dans nos cœurs, ils le sont, mais non, ce sont d'abord des amis, en fait, donc on voulait les faire participer à l'aventure. Donc, il y a M. Renaud Perret qui est venu enregistrer des clarinettes sur l'album. Il y a Sylvain Vazeri qui est venu jouer de la trompette sur All I Need, d'ailleurs. Qui d'autre? Ange Amadei qui n'est pas sur l'album. Ah oui, on connaît ça. Ange Amadei. Voilà, je pensais évidemment à lui. D'accord. Comme personnage prestigieux. Ange Amadei qui est venu, avec qui on a fait une paire de concerts. C'était intéressant d'inclure de l'harmonica dans ce qu'on fait. Voilà, mais sinon, pas plus que sur le prochain album, je pense qu'il y aura encore plus de guests que ça. D'ailleurs, est-ce que tu peux nous en dire deux mots et on va conclure là-dessus? Ce prochain album, tu y fais pas mal référence. C'est bien, parce que celui-là vient à peine de sortir. Comment vous imaginez cet album? Quand est-ce qu'il va sortir? Qu'est-ce qu'on y trouvera dessus? Question annexe, est-ce que tu gardes les mêmes compères qui sont avec toi? Ah, ça, je change pas, ça. Non, bien sûr, on reste la même équipe. On va inviter d'autres personnes. Je pense à du piano, je pense à de l'orgamonde, je pense il y aura certainement des trompettes, des clarinettes, peut-être un duo avec une chanteuse. Ah oui. Voilà, on pense à plein de choses. En attendant, il y a cet album qu'il faut défendre aussi. Cet album s'appelle Early in the Morning. Mm-hmm. Je le montre aux millions d'auditeurs. Early in the Morning, on voit tout le groupe. On va faire une pause musicale, le temps de vous retrouver sur la scène avec un monsieur qui s'appelle Robert Randolph. Est-ce que vous connaissez mieux Robert Van Randolph que Flying Saucer? Oui, enfin, je ne connais pas personnellement, non plus. Personnellement et ni parfaitement. Il vient de sortir un excellent album, Francis, et on va écouter un titre qui s'appelle Baptize Me, juste avant de vous retrouver sur la scène du Blues Café. Yeah. Retour ici au Millennium de l'île d'Abo et on vous rappelle que si vous aimez ce titre, Robert Randolph, vous pouvez notamment l'écouter sur notre web radio Blues, Blues Café Radio, que vous pouvez écouter 24 heures sur 24, même pendant vos nuits d'insomnie, sur le www.bluescaféradio.com. Il me semblait bien qu'il en manquait un. Les Yelbos sont sur la scène du Blues Café sous les applaudissements du public du Millennium. Ça s'appelle Me and My Drunken Sword. Ça veut dire mon pote qui est tout le temps bourré. Je vous présente Thibaut Roussel au banjo. Flows. We'll find a wings. We're back right to some place in a zone. Be we, me and my drunken song. A million hours before lunch break. Without a shout, I'm out. Oh, trying for a fact, darling. Time to go back. A million hours and my body aches. Grumps and sound shouts. I need a wine bag. Yeah, I know what I mean. Then it goes back. We're back around. So please, in the sun, be we, me and my drunken son. Yeah, come on, boys, come on. We head to the barn, it tells me. Howdy up, come. Yeah, okay, I will come. Till the next morning round. We back up to sound, please, in the sound. It be we, me and my drunken shot. Would be we, me and my drunken child. Yeah. Besoin de vous sur cette chanson. Fake music, I've been told. it's good for your body, and it's good for your soul. Gonna do it now, hey, hey, hey, hey. Entendu. Est-ce que vous êtes prêts à chanter avec nous? Ok, parce que ce soir, on aimerait que ce soit la fête. C'est simple, ça fait comme ça. Hey, hey. Francis Rateau, l'émission Concert en public au Millennium de l'île d'Abo, 100% blues. C'était ce soir le Blues Café Live de The Yelbos. Un grand merci à eux, un grand merci à l'équipe technique et administrative du Millennium ici à l'île d'Abo. qui nous accueille et c'est la première émission en soirée de la saison. On est encore parti pour une belle saison. Vous pouvez retrouver toutes nos dates sur le www.bluesactu.com. On se donne rendez-vous ici tous les deux mois. Absolument. Et n'oublions pas qu'au terme de cette saison, il y a aussi la Blues Party. Notez déjà sur vos agendas le samedi 13 juin. On remercie le studio Magneto qui assure le mixage de cette émission. Romain, ce soir, qui assure la captation vidéo. Les vidéos, vous les retrouvez sur notre chaîne YouTube. Merci aussi aux bénévoles qui s'occupent des artistes backstage. Et on va se quitter en musique avec les Yelbows. Ciao, à bientôt. Ça s'appelle Bloody Cadillac. I don't have to catch a Cadillac to go back home, man. I just need to feel the magic sound of my arms. Yeah. I don't need to run. I'll take my time, 'cause I know soon I'll be home. She'll be fine. I'm a man and nobody, and she'll be happy to be mine. Yeah. After days and days of working hard, I need to cool down. Do I meet the dogs for a couple of booze downtown? Laughing about some pretty girls in the street, then hit the road again, yeah, to go and join my patrol, yeah. I know you couldn't mean, I've already seen that car before. I know you couldn't mean, she doesn't love me anymore. Merci.